Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc le 11e cours de la série de l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari par Cheikh al-Bouti rahimahullah. Au cours de ce cours, Cheikh al-Bouti tout d'abord va répondre rapidement à quelques questions, après quoi il va entrer dans une explication plus détaillée de la sagesse numéro 5 qui avait été présentée au cours précédent, et il va essayer de décortiquer un peu les deux aspects principaux qui sont d'une part les fonctions qu'Allah nous a attribuées et d'autre part ce qu'Allah nous a garanti dans notre vie d'ici-bas. Petit avertissement, il y a eu deux ou trois bouts de phrases dans tout l'audio qui étaient un petit peu inaudibles, que j'ai eu du mal à comprendre et à écouter, donc j'ai essayé de deviner un petit peu en fonction du contexte, mais sinon le reste ça allait, alhamdoulilah. Je laisse la parole entre guillemets à Cheikh al-Bouti rahimahullah. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Les meilleures salutations et bénédictions sur notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité, de l'illusion. Ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science. Adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, écoutent les meilleurs. Ceci est le 11e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde et nous fasse profiter de lui. Et avant de commencer notre nouveau cours, je me dois de vous présenter mes excuses au sujet de l'absence dont je n'avais pas prévenu au cours précédent. Et je m'étais imaginé que je ne m'absenterais que pour un cours, mais Allah, pureté et toute puissance à lui, a voulu que le travail dont j'avais été chargé se prolonge. Et il en a été ainsi, de sorte que j'ai été obligé de m'absenter aussi au cours du jeudi. Et nous demandons à Allah, pureté et toute puissance à lui, de faire que nos actions soient toutes dédiées à lui, que nous les fassions pour lui, dans toutes nos évolutions et dans tous nos états. Je réponds d'abord à certaines questions en rapport avec le cours, et j'aimerais clarifier que nous répondons aux questions se rapportant au cours précédent, et nous ne répondons pas aux questions se rapportant à un cours qui a été donné il y a un mois, par exemple. C'est-à-dire, pour le cours qui est passé depuis un mois, le questionneur aurait dû poser sa question à ce moment-là. Oui. Un frère dit par exemple, tu as évoqué un cours antérieur, le frère veut dire un cours ancien, tu as évoqué le fait que le qada et le qadar, la prédestination et le destin, sont de deux sortes. La première, une création directe dans laquelle l'homme n'a aucun choix, et la seconde, un qada, une prédestination liée au choix de l'homme. Et c'est sa décision, la décision de son cœur. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Certes, les cœurs des esclaves, des hommes, sont entre deux doigts, des doigts du Rahman. Il les retourne comme il le veut. Je dis à ce frère, reviens à mon livre, Al-Insan Musayyarun Am Mukhayyar. L'homme est-il dirigé arbitrairement ou a-t-il le choix? Et reviens à ce que j'ai évoqué en réponse précisément à cette question. Tu trouveras la réponse détaillée. Si je voulais te répondre à cette question au sujet d'un thème évoqué il y a environ un mois, je devrais y passer un cours entier. Mais reviens à ce livre, et moi je l'ai écrit spécialement pour ces frères qui ressentent une soif de science, qui ont soif de réponses à ce genre de questions, pour qu'ils trouvent dans ce livre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils recherchent. Oui. Un autre frère dit, que veut dire ce hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « La akhafu ala ummati min al-faqr, innama akhafu alayha min qillati tadbir » « Je ne crains pas pour ma communauté la pauvreté, mais je crains pour elle le manque de planification. » Qu'en est-il alors de la sagesse que tu as expliquée ?« Arih nafsaka min at-tadbir » « Repose-toi l'esprit, épargne-toi la planification. » Le hadith dont tu parles, mon frère, est sur les langues des gens du commun. « Je ne crains pas pour ma communauté la pauvreté, mais je crains pour elle le manque de planification. » Ce hadith n'a aucun fondement, absolument aucun. Il ne fait même pas partie des hadiths maudoua, considérés comme inventés, ni même des hadiths faibles. Des paroles qui sont répétées par les gens du commun et qui n'ont aucun fondement. Suite de la question. Et est-ce que l'ambition de l'homme d'achever un travail quelconque veut dire qu'il prétend planifier pour lui-même sa propre affaire ? Ou cela veut-il dire qu'il utilise les causes ? De même, cette question qu'il pose, nous y avons répondu en son temps. Nous avions dit que par la planification qu'interdit Ibn Ataillah, ou plutôt qu'interdit la religion, on ne veut pas dire l'utilisation des causes. L'utilisation des causes est une chose nécessaire. Le sens de planifier est de penser qu'en interagissant avec les causes, c'est toi qui planifies ta propre affaire. C'est cela qui est interdit. C'est-à-dire que la planification interdite est une affaire qui se rapporte à ce que l'on croit, pas au comportement. Car il faut que le commerçant pratique son commerce, et l'agriculteur se doit de vendre le fruit de son agriculture, à condition qu'il sache que le créateur des actions est Allah, et que le créateur de la réussite de nos démarches est Allah le Tout-Puissant. Si je m'imaginais alors que c'est moi qui planifie ma propre affaire par les travaux que j'ai accomplis, c'est justement cela qui déplace l'homme de l'espace du tawhid, de la reconnaissance de l'unicité, et qui le trempe dans une des couleurs du shirk, de l'association. Nous avons évoqué cela, mon frère. Donc, l'ambition de l'homme dans le fait de vouloir se garantir une maison, la richesse, la science, le rang, la force, tout cela est demandé. Je ne dis même pas seulement que c'est permis, c'est même demandé aussi. Le croyant ambitionne tout cela, tout en sachant que l'affaire est entre les mains d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Il remplit une tâche, une fonction dont il a été chargé. Puis, si Allah le Tout-Puissant le veut, il fera réussir ses démarches. Et s'il le veut, il ne les fera pas réussir. Puis, l'un des questionneurs dit: quelle est la véracité, au regard de la science, de notre propos disant que la nourriture ne rassasie pas par sa nature? Et quel danger me guette si je ne crois pas en cette réalité? Et quelle est la voie, quel est le chemin vers le fait de pouvoir ressentir, par le cœur, ce type unique de foi qui nous manque? Toi aussi, mon frère, tu me poses une question à laquelle j'ai répondu en son temps. C'est-à-dire qu'il me pose une question dans un thème auquel j'ai répondu largement. J'ai dit plus d'une fois, et à plus d'un cours, que si nous croyons que la nourriture rassasie par sa nature... Bon, lui, le frère, il veut dire qui nous en empêche? Pourquoi ne pas croire que la nourriture rassasie par sa nature? Qu'est-ce qui nous en empêche? Si tu crois que la nourriture rassasie par sa nature, il ne resterait alors plus de fonction pour Allah en ce sens, puisqu'alors la nourriture rassasierait par sa nature, pas par la volonté d'Allah le Tout-Puissant. Cela n'est-il pas clair? Peux-tu concilier, d'une part, ta foi, ta croyance en Allah, le Qayyum des cieux et de la terre, et d'autre part, ta croyance en le fait que la nourriture rassasie par sa nature? Petite note de traduction, le Qayyum, je laisse tel quel, il a été bien expliqué au cours précédent, la définition du Qayyum. C'est celui qui se charge des cieux et de la terre, celui qui les tient en sa main, qui s'en charge constamment en fait, il l'avait expliqué au cours précédent. Si la nourriture rassasiait par sa nature, en quoi l'univers aurait-il encore besoin de la divinité d'Allah? Si l'eau aussi étanchait par sa nature, si les nuages faisaient tomber la pluie par leur nature, si la terre faisait pousser la plante par sa nature, et la nature deviendrait Allah. Je suis désolé de pouvoir dire que c'est la question d'un frère qui... Bon, peut-être qu'il n'était pas présent à ce cours-là, ou plutôt à ces deux cours-là où nous avions expliqué ce propos. Ou peut-être qu'il était présent, mais qu'il était distrait de ce que nous disions. Autre question. Une information m'est parvenue selon laquelle vous publieriez bientôt un livre d'explication des sagesses d'Ibn Ataillah dès que vous en aurez fini la révision. Cette chose qui t'est parvenue, mon frère, je demande à Allah le Tout-Puissant de m'y assister, de me le permettre. C'est-à-dire que c'est un désir que j'ai, mais l'enchevêtrement des travaux et des occupations est une barrière à cela. Et quand Allah le Tout-Puissant le voudra, qu'il le facilitera et qu'il bénira pour moi mon temps, Inch'Allah, je demande à Allah de me permettre l'accomplissement de cette affaire. Nous revenons, les frères, à la cinquième sagesse, pour terminer ce que nous avons à en dire. Je pense qu'il reste quelques points à expliquer au sujet de cette sagesse pour ensuite passer à la sagesse qui la suit. Ijtihaduka fima bumina lak, wa taqsiruka fima tuliba mink, dalilun ala intimasi al-basirati mink. Ton effort dans ce qui t'a été garanti et ton manquement dans ce qui t'a été demandé prouvent l'effacement de ta clairvoyance. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais je veux insister sur un sujet qui peut enlever la confusion des esprits de beaucoup d'entre vous. Il se pourrait que certains comprennent, de cette sagesse que nous avons expliquée à notre dernier cours, que l'homme se doit de se dépoussiérer les mains, de se défaire les mains des travaux d'ici-bas. De la démarche, du fait de parcourir les confins de la terre pour la subsistance, du fait de s'occuper de la famille et des enfants, du fait d'entretenir sa bonne santé, sa bonne condition physique, et ainsi de suite. Parce que ces affaires-là font partie de ce qu'Allah nous a garanti. Nous devrions alors nous orienter exclusivement vers les fonctions dont nous avons été chargés, fonctions qui sont les suivantes: les actes d'adoration, obéir aux ordres dont Allah nous a chargés, s'éloigner de ce qu'Allah nous a interdit, etc. Peut-être certains d'entre vous comprennent-ils cette sagesse de cette façon-là. Non, Cela n'est pas le sens de ce propos que nous avons déjà expliqué. Ce propos ne veut pas dire que l'homme doit donner son dos à la vie d'ici-bas ou qu'il ne doit pas interagir avec elle parce qu'Allah le lui a garanti, pour s'arrêter aux actes d'adoration et les ordres divins qu'Allah lui a ordonnés, parce que ce serait la fonction qu'Allah lui a donnée. Le sens de cette sagesse, c'est que l'homme qui s'oriente vers le monde d'ici-bas au point qu'il en sacrifie la fonction dont Allah l'a chargé, est un homme dont Allah a effacé la clairvoyance. Qui ? L'homme qui se dirige vers la vie d'ici-bas dans tous ses aspects, qui interagit avec et qui sert sa propre personne par son biais, en sacrifiant les fonctions dont Allah l'a chargé. Par exemple, il s'immerge, il s'affaire au marché, aux travaux du marché, le commerce, la vente, l'achat, l'agriculture, les postes divers et variés, au point qu'il met un voile entre lui et les fonctions dont Allah l'a chargé. L'heure de la prière vient, il la retarde alors, et l'oublie presque par ses travaux et ses fonctions d'ici-bas. Le monde d'ici-bas s'oppose aux devoirs religieux dont Allah l'a chargé, et il sacrifie alors les devoirs religieux pour ses travaux d'ici-bas par lesquels il vit. C'est cela que l'islam interdit. Et c'est ce contre quoi Ibn Ata'illah d'Alexandrie met en garde. C'est cela le sens de son propos. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasi al-basirati mink. Ton effort dans ce qui t'a été garanti et ton manquement dans ce qui t'a été demandé montre l'effacement de ta clairvoyance. Quant à l'homme qui sort le matin au marché pour pratiquer ses actions terrestres, quelles qu'elles soient, et les travaux d'ici-bas sont nombreux, il les accomplit. Mais lorsque viennent les heures des fonctions religieuses dont Allah l'a chargé, il s'oriente immédiatement vers l'accomplissement de ses fonctions religieuses, et il laisse ses fonctions terrestres d'ici-bas, et il les jette derrière son dos. Si l'homme est comme ça, alors c'est bien lui qui fournit des efforts pour la fonction dont Allah l'a chargé, et s'en remet à Allah pour sa vie d'ici-bas, qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, lui a garanti. Oui, c'est cela qui est demandé de l'homme. Tu vas vers la vie d'ici-bas, tu la pratiques tant qu'il n'y a pas de contradiction, d'opposition entre toi et tes fonctions religieuses. Dans ce cas-là, rien ne l'en empêche. Au contraire, toi, lorsque tu vas vers la vie d'ici-bas, que tu la pratiques, en accomplissant un devoir dont Allah t'a chargé, en travaillant dur pour rendre ta famille heureuse, en laissant tes enfants, comme le dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, riches au lieu de les laisser pauvres, cherchant la subsistance chez les gens. Lorsque tu travailles à t'assurer une subsistance dans le but que cette subsistance t'assiste dans les devoirs religieux dans lesquels Allah t'a établi, alors dans cette situation, tu es en fait en train de remplir ta fonction religieuse. Même lorsque tu es au marché, tu es en train d'accomplir tes fonctions religieuses. Parce que les actes d'adoration ne se limitent pas à la prière, au pèlerinage, à l'évocation d'Allah, à la lecture du Coran. Non, au contraire. Tes actions, tes œuvres terrestres d'ici-bas, lorsqu'elles ont pour but la satisfaction d'Allah, lorsqu'elles ont pour but de faire de la vie une servante des ordres qu'Allah t'a chargé d'appliquer, alors toi, même au marché, tu adores Allah. Et même au marché, tu pratiques les fonctions dont Allah le Tout-Puissant t'a chargé. Cet homme-là, on ne dit pas de lui qu'il a fourni des efforts dans sa vie, qu'Allah lui a garanti, et a oublié sa religion dont Allah le Tout-Puissant l'a chargé. Non, parce que cet homme-là, c'est vrai qu'il pratique ses travaux terrestres d'ici-bas, mais il les accomplit pour en faire des servants de ses fonctions religieuses, pour en faire des servants de l'application des ordres d'Allah, de l'établissement de la religion d'Allah dans sa personne, dans sa famille et, dans ses enfants. Donc il nous faut comprendre ce sens-là. C'est cela que veut dire Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Qui sont ceux qui tombent sous le coup de ce propos ? Ce sont ceux qui, lorsqu'ils se rappellent ceux dont Allah le Tout-Puissant les a chargés, d'ordre, de devoir, d'éloignement des interdits, ce sont ceux qui disent « Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux, et Allah, pureté et toute puissance à lui, nous pardonnera demain nos péchés et nos mauvaises actions. » Ils se tranquillisent alors l'esprit et se rassurent en se disant « Même si je n'accomplis pas ces fonctions, le Créateur Tout-Puissant me le pardonnera. » Et lorsqu'ils s'en vont vers la vie d'ici-bas, leurs projets commerciaux, d'investissement, la maison qu'ils veulent acheter, la famille qu'ils veulent construire, les chemins qu'il leur faut emprunter pour amasser l'argent, ils oublient dans cette situation qu'Allah le Tout-Puissant leur a garanti cela et qu'il a facilité cela. Ils disent au contraire, l'homme ne mangera pas s'il ne travaille pas dur. Et Allah te dit, « Issa'ama'iya abdil issa'ama'ak, travaille avec moi, mon esclave, pour que je travaille avec toi. » C'est comme cela que disent les gens du commun. Donc moi, il faut que je travaille. Lorsqu'il va vers ses fonctions religieuses, il devient paresseux, sous prétexte qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, donc pas besoin. Et lorsqu'il s'oriente vers sa vie d'ici-bas, il oublie qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, lui a garanti sa vie d'ici-bas. Il dit, si l'homme ne fait pas couler sa sueur pour assurer sa subsistance, il ne mangera pas. Et s'il ne sort pas du matin au soir pour parcourir les confins de la terre, il ne peut pas amasser d'argent. La règle établie par Allah est ainsi. C'est cela qu'il dit. Ici, lorsqu'il s'oriente vers la vie d'ici-bas, il oublie la miséricorde d'Allah, sa générosité, son don et sa garantie envers lui. Et lorsqu'il s'oriente vers la religion, il se rappelle Allah alors qu'Allah est pardonneur et qu'Allah est miséricordieux et qu'Allah est généreux. Et à partir de cela, il se prend de paresse lorsqu'il s'agit de se lever pour son devoir religieux, mais il s'efforce, il se dépêche et il fait des efforts remarquables dans ses affaires du monde d'ici-bas. C'est sur lui que s'applique la parole d'Ibn Ata'illah. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك انطماس على دليل على انطماس البصيرة منك. Ton effort dans ce qui t'est garanti et ton manquement dans ce qui t'est demandé montre l'effacement de ta clairvoyance. Ce propos, mes frères, s'applique à l'individu et s'applique à la société. L'homme qui travaille dans la vie, mais pour en faire une servante de la religion d'Allah le Tout-Puissant, pour céder de sa vie d'ici-bas dans l'accomplissement de ses fonctions religieuses, cet homme-là, mon Seigneur, pureté et toute puissance à lui, ne décevra pas ses espoirs terrestres d'ici-bas. La vie d'ici-bas lui vient de force ou de gré. Allah le Tout-Puissant la lui a servie. Il lui fait don d'une bonne vie. Et la bonne vie tire sa source du cœur et ne vient pas de l'extérieur, non. Allah lui fait don de tout cela, car il le lui a garanti. Tu es véridique envers Allah, Allah est véridique avec toi. Tiens ses promesses envers toi et réalise pour toi ce qu'il t'a garanti. Ce propos est vrai pour l'individu et il est vrai pour la société. Les sociétés et les états islamiques dans notre histoire passée, dans notre histoire poussiéreuse, ces sociétés qui s'étaient établies en tant que servantes de la religion d'Allah, calife, chef d'état, gouverneur, dirigeant, qui, lorsque tu reviens à leur biographie, tu trouves qu'ils se sont établis comme servants de la religion d'Allah le Tout-Puissant et dont l'unique souci était l'établissement de la religion d'Allah, l'établissement d'une société islamique, eh bien ces dirigeants-là, Allah a ouvert devant eux la vie d'ici-bas et il l'a soumise à eux. Il a fait d'elle une servante pour eux. Et allez voir ce qu'il en était de ces gens-là. Vous trouverez qu'Allah leur a fait don de richesses profuses, d'une subsistance large. Cette chose-là, tu n'y trouves pas de contre-exemple dans toute l'histoire. Regarde aussi ce qu'il en était d'autres gens. Toujours dans notre histoire en ruine, ces états qui ont goûté la vie et qui y ont pris goût, qui se sont enivrés des délices de la vie et de son éclat, et ont alors oublié les fonctions par lesquelles Allah leur avait fait honneur. Ces états se sont alors dirigés vers la vie d'ici-bas, vers le monde d'ici-bas, pour en amasser les largesses, s'embellir de ses ornements, pour s'établir des enveloppes, des coquilles luxueuses, pour se noyer dans le divertissement, ses causes et ses formes. Oui. En ayant oublié la fonction par laquelle Allah le Tout-Puissant leur a fait honneur. Quelle a donc été la fin de ces états? Leur fin a été qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, les a appauvris malgré leur richesse. Richesse derrière laquelle ils couraient à l'épuisement. Il les a démunis de tout cela et en a fait des empreintes, des ruines lointaines de l'histoire. Si tu regardais la situation des divers états musulmans jusqu'à nos jours, tu ne verrais absolument aucun contre-exemple à cette règle. Les dirigeants, les rois, les chefs d'état qui ont fait de leur personne des servants de la religion d'Allah le Tout-Puissant, Allah le Tout-Puissant a dit à la vie d'ici-bas, « Sois pour eux la meilleure servante, car moi j'ai garanti à ces gens-là une bonne vie. » Et il en a été ainsi. Et les gens, les rois, les présidents dont vous lisez la biographie dans l'histoire, et qui se sont détournés des ordres d'Allah et se sont détournés vers la vie et se sont mis à courir, à halter derrière elle, derrière le fait de construire des bâtiments luxueux, des châteaux immenses, des ornements et ainsi de suite. C'est-à-dire des gens qui ont fait de leur personne des servants de la vie d'ici-bas qu'Allah leur avait garanti et qui ont oublié les ordres d'Allah et les ont jetés derrière leur dos. Quelle a donc été leur fin? Allah les a expulsés même du terrain de la vie du monde d'ici-bas. Il a donné l'ascendant, la puissance à leurs ennemis contre eux. C'est le résultat de cette règle que dit Ibn Ata'illah. Regardez l'héritage des califes bien guidés. Vous trouverez la véracité de ce propos. Les califes bien guidés interagissaient avec la vie d'ici-bas, oui, mais ils interagissaient avec elle pour qu'elle soit une servante des ordres d'Allah dans leur vie. Allah a ouvert devant eux les trésors de la vie d'ici-bas, d'est en ouest. Et vous savez comment Allah le Tout-Puissant a conduit les trésors de Khosroès, empereur perse, et de César, à Omar ibn al-Khattab, en sa qualité de président de l'État musulman à son époque. Oui, mais si notre maître Omar courait derrière ses trésors, s'il avait fait de sa personne un servant de cette vie, wallah, il n'aurait pas obtenu ses trésors. Il ne serait même pas parvenu à les atteindre. Et les empereurs des Romains et la multitude perse l'auraient vaincu. Absolument, ceci est une vérité. De même, l'État omeyyade, de même l'État abbasside, ceux qui ont fourni leurs efforts dans le but de servir la religion d'Allah, Allah leur a donné la vie d'ici-bas et leur a aussi fait don de sa satisfaction puisqu'ils étaient des servants de la religion d'Allah le Tout-Puissant. Quand le califat ottoman a commencé, qui en était le premier calife ? Othman Ertuğrul. Bon, je prononce mal, note de traduction, c'est Osman Ertuğrul. Ertuğrul, j'ai du mal à prononcer. Osman Ertuğrul, le grand-père des califes ottomans. Et c'est à lui qu'on les apparente. Cet homme-là est un homme qui est resté debout toute sa vie pour la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Le créateur, pureté et toute puissance à lui, a vu et a trouvé que Osman Ertuğrul, dont la biographie est longue, et ceux qui le veulent peuvent y retourner, peuvent retourner à la biographie de cet illustre personnage, le Créateur a trouvé en Othman Ertuğrul une personne qui a enrôlé sa vie avec force, modestie et sacrifice pour la satisfaction d'Allah le Tout-Puissant. Le Créateur Tout-Puissant lui a donné les clés du pouvoir. Et c'est pour cela que ce Othman dit à sa mort dans ses volontés adressées à son fils. « Oh mon fils, j'étais comme la petite fourmi, sans valeur. Puis Allah m'a donné tout ce que tu vois par le travail au service de sa religion. » Parcours donc les confins de la terre au service de la religion d'Allah, car cela est le devoir des rois sur cette terre. Et ces dernières volontés sont célèbres et connues. Et je les ai aussi rapportées, je pense, dans mon livre, oui, « Ala tariq al-aoud ila l'islam, rasmun li minhaj wa halun li mushkilat » sur le chemin du retour vers l'islam, tracé d'une voie et résolution de problèmes. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, lui a fait ses dons. Parmi les rois ou les califes qui sont venus après lui, ceux qui ont suivi ses pas et sa voie au service de la religion d'Allah, sa voie d'asservissement de la vie d'ici-bas et de son utilisation pour la religion d'Allah, le Créateur Tout-Puissant a appliqué la règle sur eux. Il leur a garanti la vie d'ici-bas lorsqu'ils étaient les meilleurs garants des fonctions pour lesquelles Allah les a établis. Jusqu'à l'époque de Mohammed el-Fetr et après Mohammed el-Fetr. Mohammed el-Fetr, petite note de traduction, c'est celui qui a conquis Constantinople, qui a pris Constantinople de l'Empire byzantin. Se sont ouvertes devant eux toutes les portes closes de la vie. Mais si tu avais vécu la vie de l'un d'entre eux, si tu étais entré dans la maison de l'un d'entre eux, tu aurais vu en elle le sceau, en cette maison, le sceau de l'ascétisme, du peu de moyens, la marque de l'éloignement des ornements de la vie. J'ai vu les maisons de ces sultans anciens, après Osman Ertuğrul, jusqu'aux 10, voire aux 12 qui se sont succédés après lui. Des maisons modestes, des moyens de vie très simples, dans tous les sens du terme. Tu n'y trouveras aucun ornement visible, de quelque manière que ce soit. Mais, en échange, le Créateur leur donnait, oui ou non, il leur donnait. La vie d'ici-bas leur était soumise. Les rois d'Europe les craignaient. Lorsque Mohammed el-Fetr entrait dans une contrée parmi les contrées européennes, les clochers des églises arrêtaient de sonner, par respect pour lui, tant qu'il y était présent. Pourquoi ? Est-ce parce que Mohammed el-Fetr leur aurait fait peur et qu'il les aurait éblouis et que la vue de son or les aurait éblouis, la vue de ses perles, de ses joyaux ? S'il avait utilisé ce moyen, il aurait été humilié à leurs yeux, il aurait peiné à se faire remarquer par eux. Mais Allah lui a donné de l'importance dans leur cœur, car lui donnait de l'importance à Allah, pureté et toute puissance à lui, dans son comportement et dans sa vie. Puis lorsque خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ, lorsque leur ont succédé une postérité qui a perdu la prière, c'est-à-dire les fonctions dont elle avait été chargée, وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, et a suivi les passions, les envies, c'est-à-dire le monde d'ici-bas qu'Allah leur a garanti, lorsque ses successeurs leur ont succédé, le cas de figure s'est inversé. Petite note de traduction. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Puis leur ont succédé une postérité qui a perdu la prière et qui a suivi les passions et les envies. C'est un verset coranique en fait. Donc là, il est en train de voir l'application directe d'un verset coranique dans la vie réelle. Regardez donc. Revenez aux traces des sultans à Istanbul. Les sultans les plus tardifs qui sont venus après. Dans le dernier quart du califat ottoman. Regardez le faste, le luxe qu'ils ont laissé derrière eux. Regardez les trônes, oui, les trônes incrustés de perles et d'ornements d'ici-bas, étonnants et étranges, et regardez tous ces biens que même les flammes pourraient à peine dévorer, et qui ont été rassemblés, immobilisés sous forme de pierres précieuses, de perles, de joyaux, et ainsi de suite, etc. Oui, tout cela tu le trouves présent dans leur vie. Si la mesure de la grandeur d'un homme était la richesse qu'il peut assembler ici-bas, cela aurait nécessairement impliqué que ces sultans plus tardifs aient été plus puissants, plus dominants sur l'Occident que leurs prédécesseurs. Mais qu'en était-il réellement ? C'était absolument le contraire. Ces prédécesseurs-là, à la mesure de leur modération, de leur ascétisme dans la vie, à la mesure de leur utilisation de cette vie, de leur interaction avec elle, de leur utilisation de cette vie pour la satisfaction d'Allah et pour accomplir les fonctions dont Allah les a chargés, à la mesure de tout ceci, Allah le Tout-Puissant les enrichissait. Et Allah, pureté et toute puissance à lui, faisait rentrer dans le cœur des autres leur estime et leur crainte. Lorsque ses successeurs leur ont succédé, qu'ils se sont soumis à la vie, qu'Allah leur avait garantie, et qu'ils se sont mis à fournir leurs efforts non pas au service de la religion d'Allah, mais pour amasser les biens d'ici-bas, pour accumuler les envies et les passions, Allah leur a dit « Maintenant, si l'on peut utiliser cette expression, maintenant, je n'ai plus à réaliser pour vous ce que je vous avais garanti, parce que vous n'avez pas réalisé ce que j'avais demandé de vous. Moi, maintenant, je ne suis donc plus tenu de réaliser pour vous ce que je vous avais garanti. Je vous laisse à la vie d'ici-bas avec laquelle vous interagissez. » Que vos trésors vous protègent donc contre vos ennemis, que vos biens vous protègent, que vos trônes luxueux vous protègent contre ces ennemis qui sont les vôtres. Je vous laisse, je vous abandonne à votre vie d'ici-bas. Quel a été le résultat ? Le résultat fut que leurs possessions ne durèrent qu'un certain nombre de jours avant que n'en soit tournée la page, avant que ne soit tournée la page de ces trônes et qu'ils ne soient dépossédés de leur pouvoir, de leur sultanat. « Kavalika wa awrathnaha qawman akharin » Il en fut ainsi et nous en fîmes hériter d'autres gens. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qawman akharin. Combien ont-ils laissé de jardins et de sources, de champs cultivés et de positions honorifiques, de biens desquels ils jouissaient. Il en fut ainsi et nous en fîmes hériter d'autres gens. Cela est la règle d'Allah, pureté et toute puissance à lui, sa coutume avec ses esclaves. Si ces sultans qui sont venus tardivement, ces petits dans leur orientation vers les ordres d'Allah, ces grands dans le faste, dans la splendeur de la vie qui les entourait, si ces gens-là étaient, comme leurs prédécesseurs, des serviteurs de la religion d'Allah, confiants dans le fait qu'Allah leur a garanti leur vie d'ici-bas, ils ne se seraient pas égarés, ils n'auraient pas été humiliés et Allah ne les aurait pas dépossédés de leur trône d'une manière ou d'une autre. Tu entres dans la maison de quelqu'un comme Salim al-Qanouni ou le sultan Sulayman, Mohammed al-Fatah. Oui, c'est bien connu, leurs maisons sont encore là. Tu trouves des maisons délabrées, simples. Les moyens, les causes de subsistance avec lesquelles ils interagissaient sont très simples. C'est-à-dire qu'il se pourrait que la maison de n'importe qui d'entre nous soit plus luxueuse. Oui. Bon, mais ces gens-là, Allah a fait d'eux une force, une puissance dans les yeux et dans les cœurs de leurs ennemis. Chose très étrange, oui. Alors que tu entres, par exemple, dans la maison du sultan Abdelmajid, puis du sultan Mahmoud, le sultan Rachid, tu ne trouveras pas de telle maison, même à l'Alhambra, à Grenade, au Qasr al-Ahmar, le palais rouge. Des ornements, des choses étonnantes, très très étranges. Ils pensaient que c'était avec cela qu'ils conquièrent les cœurs de leurs ennemis. Que si ces ennemis entraient, voyaient cette somptuosité et cette grandeur, ils en seraient frappés d'étonnement et se sentiraient tout petits. Au contraire, ces palais étaient leurs tombeaux. C'était des tombeaux pour eux. Car ils sont allés à l'encontre de la loi d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Sois debout, en charge de la fonction pour laquelle Allah t'a établi, pour sa satisfaction. Et Allah le Très-Haut s'imposera ce qu'il t'a garanti. Ce propos s'applique sur l'individu et il s'applique sur la société. Et tu ne peux y trouver de contre-exemple. L'État omeyyade en Andalousie, lorsqu'il était à l'apogée de sa puissance, ces hommes étaient à l'apogée de leur soumission aux ordres d'Allah, de leur accomplissement des fonctions dont Allah les a chargés. Et ils parcouraient les confins de la terre et ils interagissaient avec le monde d'ici-bas, mais pour que celui-ci les aide dans leurs fonctions religieuses. Le Créateur Tout-Puissant a donné la force à leur État, a étendu ses frontières, encore et encore, comme vous le savez, et dans une période de temps étrangement courte. Mais lorsque leur ont succédé des gens qui ont oublié leurs fonctions, les fonctions dont Allah les avait chargés, qui se sont dirigés vers le monde d'ici-bas, qu'Allah le Tout-Puissant leur avait garanti, et qui se sont mis à nager entre les vagues des ornements de ce monde d'ici-bas, qui en ont goûté ce qu'ils en ont goûté, qui se sont saoulés comme ils se sont saoulés, qui ont eu ce qu'ils ont eu de plaisir, jusqu'à ce que ce plaisir leur fasse oublier leur esclavage vis-à-vis d'Allah et les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. Quand tout ceci est arrivé, qu'est-il advenu d'eux ? Le monde d'ici-bas dansait autour d'eux, sous leurs pieds. Et ils ont établi de ce monde d'ici-bas des palais luxueux, comme vous le savez. Ils sont cités à titre d'exemple maintenant en Occident, ces palais. Mais en même temps, Allah les a rétrécis, puis les a encore rétrécis, et encore. Et il a sorti la peur du cœur de leurs ennemis, la peur que ces derniers ressentaient vis-à-vis de leurs prédécesseurs. Leurs ennemis ont alors tous marché en leur direction et les ont expulsés de chez eux. Et c'est ainsi que s'est terminée l'ère des rois de Bani al-Ahmar, comme vous le savez. De cette manière. Devons-nous passer plus de temps encore à donner des exemples vivants de cette loi, de cette règle divine ? Vous voulez plus d'exemples ? Notre vie aujourd'hui, c'est le meilleur témoin qui montre la réalisation, qui témoigne de ce sens dont je parle. Nous, aujourd'hui, nous courons à l'épuisement derrière le monde d'ici-bas, à tous les niveaux. Lorsque tu regardes les situations proches de toi, autour de toi, et lorsque tu regardes les situations plus éloignées, quand tu regardes la réalité des marchés aujourd'hui, notamment ces 10 derniers jours, et lorsque tu regardes la réalité du monde arabe tout entier, que trouves-tu ? Tu les trouves tous, à tous les niveaux, en train de courir, d'haleter derrière ce bas monde, d'haleter derrière plus de désirs et de passions. Même la religion. Son sens est devenu, dans l'imagination de beaucoup de ces gens-là, de construire une société du luxe, de construire une autorité, une splendeur. Oui, comme si lorsque nous en comprenons cela, nous satisfaisons Allah, pureté et toute puissance à lui, par ce travail. Quant aux fonctions religieuses par lesquelles Allah nous a honorés, pour lesquelles il nous a créés, fonctions que nos ancêtres prenaient en charge, de même que nos premiers prédécesseurs, eh bien ces fonctions-là sont devenues marginales, simples, simplifiées, et représentent de simples cadres dans notre vie de ce bas monde. Elles deviennent quelque chose de simple, de futile, c'est-à-dire quelque chose de folklorique, de traditionnel seulement. Alors qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, voit et nous regarde. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, peut donner l'argent à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Oui, mais lorsqu'Allah donne le monde d'ici-bas à celui qu'il n'aime pas, cela ne veut pas dire que ce monde d'ici-bas va le secourir. Et cela ne veut pas dire que ce monde d'ici-bas va lui donner la puissance, l'abriter dans une forteresse imprenable. Non, pas du tout, pas du tout. Le monde d'ici-bas te vient, mais Allah fera certainement en sorte que ses cordes t'étranglent. Le monde d'ici-bas te vient, mais ce sera lui-même le poison violent, le poison fatal qui mettra fin à ta vie. En tant que globalité, je veux dire, lorsque nous nous sommes détournés de nos fonctions, en tant que globalité, en tant que société, lorsque nous nous sommes détournés de nos fonctions sur lesquelles Allah nous a établis, comme le disait le sultan à son fils, j'étais une fourmi dans la vie, puis Allah m'a donné tout cela pour le service de sa religion. Sers donc la religion d'Allah sur la terre, car cela est le devoir des rois dans ce monde d'ici-bas. Lorsque nous avons oublié ces propos, que nous sommes devenus des servants de notre monde d'ici-bas, et que nous avons oublié la garantie d'Allah, pureté et toute puissance à lui, envers nous, oui, nous en sommes arrivés à rivaliser avec les états du monde, non pas par la foi, à les combattre non pas par la foi, à s'opposer à eux, non pas par la foi par laquelle Allah nous a fortifiés, mais plutôt par les ornements par lesquels nous disons concurrencer ces états. Puisqu'ils se sont construits des trônes civilisationnels, d'imposants bâtiments, alors nous construirons des trônes plus haut encore. Puisqu'ils expriment leur culture par les gratte-ciels, nous construirons des gratte-ciels plus haut encore que les leurs. C'est comme cela qu'est devenu notre raisonnement, notre logique. Lorsque notre logique est devenue celle-là, notre situation s'est inversée. Allah a délaissé ses garanties envers nous et nous a laissé à ce monde d'ici-bas. Comme s'il disait, ce monde d'ici-bas par lequel vous m'avez remplacé, voyons voir, que va-t-il faire pour vous lorsque je vous délaisserai ? Oui, voilà nos biens, nos richesses, regroupées en trésors dans le ventre de la terre. Et voilà qu'elles jaillissent aussi, que ces trésors aussi jaillissent sur la terre. Oui, notre terre est la plus riche de toute la terre, du monde entier. Cela ne fait aucun doute. Et malgré cela, nous sommes devenus la communauté la plus pauvre de toute la terre. Nos ornements ne nous ont pas protégés. Nos trésors noirs en réserve ne nous ont pas protégés. Nos trésors jaunes et rouges scintillants ne nous ont pas non plus protégés. Au contraire, ces trésors sont devenus une cause de discorde entre nous, une cause de divergence, une cause d'humiliation. Une des causes de la honte qui nous a frappés. Ce qui est arrivé au roi de Bani al-Ahmar, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui est arrivé à ces sultans ottomans qui ont succédé à leurs prédécesseurs en étreignant la vie d'ici-bas et ses ornements au lieu d'étreindre les ordres d'Allah le Tout-Puissant, c'est cela que nous vivons aujourd'hui. Et je demande à Allah, pureté et toute puissance à lui, de nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Nos missions religieuses, nous les avons jetées derrière nous. Nous en avions été chargés. Le Créateur Tout-Puissant a dit puis nous avons fait de vous des successeurs après eux pour voir comment vous œuvreriez. Nous avons fait de vous des successeurs après eux. Nous vous avons fait hériter de leur royaume, de leur possession. Nous vous avons fait hériter de la terre qu'ils occupaient avant vous. Et nous voici donc à voir ce que vous faites. Allez-vous interagir avec Allah en appliquant cette règle qu'Allah, le Très-Haut, s'est imposée à lui-même vis-à-vis de vous? Accomplirez-vous les fonctions qu'Allah a mis à votre cou comme il l'a demandé, afin qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, accomplisse pour vous votre bonheur d'ici-bas et votre bonheur dans l'au-delà, comme il l'a garanti? La réalité, c'est que nous marchons dans le sens opposé à cet ordre. Oui, les frères, combien de biens ont été dépensés dans ces jours devenus poussière? Combien? Et moi, je sais, et peut-être que vous savez tous, qu'il y a des gens qui regardent ces biens immenses, qui sont gaspillés, qui sont dépensés, alors que ces gens-là étouffent de n'avoir rien. Des gens qui regardent ces biens en n'ayant rien. Alors qu'eux meurent des brûlures de leurs instincts humains, auxquels ils ne peuvent pas donner cours, qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Moi, je sais cela. Des lettres à faire pleurer, oui. Un tel est un jeune homme qui ne veut pas désobéir à Allah, qui ne veut pas dévier, qui veut obéir à Allah, qui aime Allah. Mais ses instincts, ses pulsions s'enflamment dans son cœur. Il veut faire taire ses instincts, ses pulsions. Il veut les calmer, mais il n'en trouve pas le moyen. Il a besoin de 100 000, pas plus, pour se construire une famille et pour se tranquilliser avec la tranquillité qu'Allah a fait pour l'homme, c'est-à-dire une femme. Petite note de traduction, 100 000, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ça doit être une certaine somme d'argent en monnaie syrienne. Femme, c'est un rajout de traduction. En fait, ce qu'il a dit, lui, c'est pour se construire une famille et pour se tranquilliser avec la tranquillité qu'Allah a faite pour l'homme, à Sakan. Mais j'en ai déduit que c'était la femme, puisque je pense que c'est une allusion faite à l'itaskunu ilayha, le Coran qui parle des femmes, pour que vous vous tranquillisiez avec elles, vers elles, pour être un peu littéral. Donc oui, je pense que c'est, il parle de femmes, de mariage, et après c'est en effet avéré qu'il parle de mariage. Je redonne la parole. Mais il n'en trouve pas le moyen. Et ce jeune homme-là, et d'autres comme lui, regardent tous ses biens, tout cet argent qui a été gaspillé, dépensé, encore et encore et encore. Dépensé pourquoi? Si c'était pour la satisfaction d'Allah, quelle bien belle dépense ça aurait été. Mais pourquoi tout cet argent est-il dépensé? Pour le monde d'ici-bas, pour ce que vous savez, pour que l'homme mette des appâts avec lesquels il attrape du gros gibier. Nous savons tous cela. Lorsque la société est ainsi, qu'en est-il de la situation? Le Créateur pureté et toute puissance à lui dit « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً » Nous avons fait de vous des épreuves, les uns pour les autres. Il a fait du pauvre une épreuve pour le riche, et il a fait du riche une épreuve pour le pauvre. En réalité, Allah le Tout-Puissant n'a pas besoin d'un riche qui se montrerait généreux envers ce pauvre pour que ce dernier puisse se marier. Mais Allah a fait de ce pauvre une épreuve pour ce riche. Il l'a mis sur son chemin. Que fera donc ce riche? Vais-je faire de la vie d'ici-bas une servante de ma religion? Vais-je donner de cette vie d'ici-bas à un tel et à un tel, parce que j'ai amassé ces biens pour la satisfaction d'Allah? À ce moment-là, Allah me dira, tu as dépensé 10? Prends 100. Ou bien vais-je ouvrir mes deux paumes en montrant une générosité exceptionnelle à chaque soirée et à chaque invitation, à chaque événement mondain, de telle sorte que lorsque ces jours comptés se terminent, je reviens à la radinerie. Je reviens à mon habitude de n'ouvrir ma porte à aucun mendiant, de prétexter que je n'ai pas de liquide sur moi. Oui, tout cela, c'est un aspect de ce que je vous disais. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Ton effort dans ce qui t'a été garanti et ton manquement dans ce qui t'a été demandé prouve l'effacement de ta clairvoyance. Si chacun d'entre nous asservissait sa vie d'ici-bas, vie derrière laquelle il doit en effet faire des efforts, avec laquelle il doit interagir. Si chacun d'entre nous asservissait sa vie à la satisfaction de son Seigneur et Créateur, s'il faisait de sa vie une servante disciplinée aux ordres de son Maître et Créateur, pureté et toute puissance à lui, alors le riche deviendrait encore plus riche. Le riche deviendrait, par sa richesse, plus heureux, et les poches de pauvreté disparaîtraient de nos sociétés. Ces trous seraient bouchés, et nous verrions ces pauvres devenus heureux à leur tour, exaltés eux aussi par le goût du bonheur. Et tous vivraient ainsi solidaires, dans l'entraide, et dès lors, Allah leur réaliserait sa garantie à tous. Ceci est donc la fin de notre explication de cette sagesse. Nous passerons après cela à la sagesse suivante. Ibn Ata'illah dit « La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi d'du'a mujiban liyasik fa huwa dhamina lak al-ijaba fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqt alladhi yurid la fil waqt alladhi turid » Que la longue attente avant le don, malgré ton insistance dans l'invocation, ne te mène pas au désespoir. En effet, il t'a garanti la réponse dans ce qu'il choisit pour toi, et non pas dans ce que tu choisis pour toi-même. Et il te la garantit au moment qu'il veut lui, pas au moment que tu veux toi. Cette sagesse, les frères, est une suite à la sagesse qui la précède. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un disait « Ijtihadu kafima dominalak, ton effort dans ce qui t'a été garanti. » Et est-ce qu'il m'a été garanti une vie profuse, confortable, même si je ne cours pas derrière les causes, même si je ne passe pas mes jours et mes nuits à amasser de l'argent? C'est-à-dire, si je ne fais pas cela, et que je partage mon temps entre le monde d'ici-bas et l'au-delà, dans ce qui satisfait Allah, y a-t-il en réalité une garantie de la part d'Allah que je me retrouve à vivre une vie luxueuse, un bien-être total, un bonheur profus, complet? Il peut dire aussi, peut-être que cela ne se réalise pas pour moi, et peut-être que j'ai invoqué Allah, pureté et toute puissance à lui. Moi, je sers sa religion, et j'ai confiance en ce qu'Allah, le Tout-Puissant, m'a garanti. Bon, j'ai eu confiance, mais j'ai attendu, et l'argent n'est pas venu. Je me suis même mis à invoquer. « Oh Seigneur, moi je sers ta religion. Envoie-moi du bonheur. Envoie-moi une maison, ceci, cela. » Mais je n'ai pas trouvé ça. Comment puis-je avoir confiance en la garantie d'Allah pour moi dans cette situation? La réponse est dans la sagesse suivante, qui est cette sagesse-là. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.